Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 100, de la simonie. Notion du péché de simonie, divers cas où ce péché a lieu, punition des simoniaques. 1. La simonie consiste-t-elle à vouloir acheter ou vendre une chose spirituelle? Le droit canon rapporte cette parole de Grégoire VII, « Aucun fidèle n'ignore que l'hérésie des simoniaques consiste à vendre ou à acheter le ministère de l'autel, les décimes ou la grâce du Saint-Esprit. Les choses spirituelles ne sont pas un objet légitime devant tout achat. D'abord, elles sont plus précieuses que toutes les richesses du monde. » Ainsi que le déclara saint Pierre en disant à Simon le magicien, que, ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu pouvait s'acheter à prix d'argent. Actes des Apôtres, 8, 20. En second lieu, les chefs de l'Église ne sont que les dispensateurs des biens spirituels, ils n'en sont pas les maîtres absolus, pour les vendre. Saint Paul le leur déclare expressément, 1 Corinthiens 4, 1. Enfin, la vente de ces biens répugne à leur origine même. Vous avez reçu gratuitement, disait notre Seigneur à ses apôtres, donnez gratuitement, Matthieu 10, 8. Par conséquent, vendre ou acheter un bien spirituel, c'est se rendre coupable d'irrévérence envers Dieu et envers les choses divines par un péché d'irréligion, appelé simonie, du nom de Simon le magicien, qui, le premier, voulut acheter les dons du Saint-Esprit pour s'enrichir en les revendant. 2. Est-il toujours défendu de recevoir ou de donner de l'argent pour les sacrements? Recevoir de l'argent comme prix de la grâce spirituelle des sacrements, c'est le crime de simonie, qui n'est excusé par aucune coutume, mais recevoir ou donner de l'argent, suivant les règlements de l'Église et les usages approuvés, pour la subsistance des ministres qui confèrent les sacrements, ce n'est ni simonie, ni péché, ces honoraires sont une subvention nécessaire, et non un paiement de la grâce spirituelle. Note. Le peuple doit donner l'entretien temporel au ministre de Dieu. Ne savez-vous pas, disait saint Paul, que les ministres du temple mangent des choses offertes dans le temple, et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? 1 Corinthiens 9, 13. Fin de la note. 3. Est-il permis de donner ou de recevoir de l'argent pour des actes spirituels? Ce serait un péché de simonie que d'acheter ou de vendre ce qu'il y a de spirituel dans la prière, dans la prédication ou dans les louanges de Dieu, mais, à l'occasion de ces actes, recevoir ou donner de l'argent pour l'entretien temporel des ministres du Seigneur, selon les prescriptions de l'Église et d'après la coutume approuvée, est un acte permis, puisque les fidèles sont dans l'obligation d'entretenir les ministres de la grâce en échange des biens spirituels qu'ils en reçoivent, selon cette parole de l'apôtre, qui jamais fit la guerre à ses dépens, qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne mange point de son lait. 1 Corinthiens 9, 7. 4. Est-il permis de recevoir de l'argent pour les choses annexées au spirituel? Il y a des choses qui sont tellement annexées au spirituel qu'elles en dépendent et ne peuvent exister sans lui. Telle est la possession des biens ecclésiastiques, qui suppose dans le titulaire une charge cléricale. Celle-là, il n'est permis de les vendre d'aucune façon. On paraîtrait vendre avec elle les biens spirituels. Il en est d'autres qui se rapportent simplement au spirituel, par exemple, les vases sacrés, qui servent à l'administration des sacrements. Celles-ci ne supposent pas nécessairement le spirituel, elles le précèdent plutôt dans l'ordre du temps, Il est permis de les vendre, non comme objet consacré ou annexé au spirituel, mais comme matière précieuse ou comme jouissance subtile. Note. Quant aux vases sacrés, on doit auparavant les briser en adressant une prière à Dieu. Après leur déformation, ils ne sont plus qu'un pur métal. Fin de la note. 5. Est-il permis de donner les choses spirituelles pour un service corporel ou pour un service de parole? Un décret du pape Urbain Porte, celui-là est simoniaque qui, détournant les choses ecclésiastiques du but de leur institution pour les faire servir à son avantage, les donne ou les obtient moyennant un service oral, un service corporel ou une rétribution pécuniaire. Donner un bien spirituel pour un service corporel, c'est évidemment un paiement qui représente la valeur de ce service. Les services de parole sont également estimables à prix d'argent. Concéder ou obtenir les biens spirituels en échange de tels services, n'est-ce pas comme si l'on en trafiquait pour de l'argent? Note. Lorsqu'un prêtre rend à son évêque un service honnête qui concourt au bien spirituel, c'est-à-dire au bien de l'Église ou de ses ministres, il peut, par cet acte de dévouement, comme par toute autre bonne œuvre, se rendre digne d'un bénéfice ecclésiastique. Cette conduite louable n'est pas comprise sous l'expression de service corporel. Le service défendu comme simonie est celui qui n'est pas louable en lui-même ou qui se rapporte au bien terrestre, par exemple, favoriser un évêque dans ses proches ou dans ses biens temporels. Fin de la note. 6. Convient-il de punir le simoniaque par la privation du bien acquis simoniaquement? Le droit canon, rapportant un décret du Concile de Chalcédoine, s'exprime ainsi que celui qui a été ordonné au moyen de la simonie ne retire rien de l'ordre ou de la promotion qu'il doit à un pareil trafic, qu'il soit privé de la dignité ou de la charge obtenue à prix d'argent. On ne peut, en effet, retenir licitement un bien que l'on a reçu contre l'ordre et la volonté du maître auquel il appartient. Or Dieu, maître absolu de toutes choses, commande à son Église de donner les biens spirituels gratuitement. Pour cette raison, le simoniaque doit être privé du bien qu'il a acquis illicitement et subir les autres peines portées par l'Église, c'est-à-dire la déposition et l'infamie, s'il est clair, l'excommunication, s'il est laïque. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.